qui font des belles mères. Que nous offrir vont bien mieux nous ruiner. Les faits qui causent surtout pas d'overdose. Avec ce que tu dis comme conneries, on va remplir le Missouri. Avec ce que t'as comme plan pourri, on va finir en bikini. Connerie.